manque un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Salut, c'est Eric. Bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z. Ici, à la maison, ou sinon, c'est sur RIG que vous retrouvez cette émission. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Quinonero. Bonjour Frédéric, il est à l'antenne déjà avec nous. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien, ma foi. Alors, tu es avec nous pour une raison bien particulière, car tu nous sortiras prochainement. C'est annoncé le 28 mai sur certains sites de vente par correspondance. En raison des problèmes qu'on connaît, certains libraires, certains points de vente ne seront peut-être pas livrés le 28 mai. Donc, on l'a annoncé le 2 juin. Comme et ça, tu es venu pour nous présenter donc ce livre-là, Johnny Hallyday, Femmes et Influence. Oui, aux éditions Mareuil. Ne pas oublier, les éditions Mareuil. Alors Frédéric, on te connaît, hein, tu es écrivain biographe. À ton actif, tu as plus d'une vingtaine de biographies hein, sur Sardou, sur Bruel, sur Sophie Marceau, sur Sylvie Vartan et tant d'autres. Et François Hardy également. Et... oui, mais tu as le droit, vas-y, tu peux continuer. Et sinon aussi, sur Johnny, tu es déjà à ton cinquième livre. Oui, Johnny, Johnny, tout le monde le sait, c'est mon sujet de prédilection. Johnny, l'éphéméride, que je présente à la caméra. C'est mon premier, c'est le premier. C'est le premier, tout à fait. Après, nous avons eu celui-là, Johnny Live. Ouais. Nous avons eu La vie en rock. Il y a eu deux vies en rock, le bleu, le rouge. Oui, exactement. Voilà. Elles sont réaugmentées. Oui. Et après. Le petit, là, c'est le beau bébé, celui-là. Qui était là, une vie en rock améliorée aussi par la force des choses et ce que l'éditeur appelle une biographie définitive. Or, rien n'est jamais définitif. La preuve, c'est que je continue à écrire sur Johnny. Oui, et il y a encore des choses à rajouter également. Il y a des choses à découvrir aussi. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de choses à découvrir également. Hop là, sur ce livre, Johnny Hallyday, Femmes et Influence. Aux éditions Mareuil. Mais déjà, on va dire bonjour aussi à notre invité. Bonjour Sandrine, Sandrine Décembre. Bienvenue à l'émission. Bonjour Sandrine. Ne sois pas timide, vas-y, lance-toi. Comment vas-tu Sandrine? Je vais bien. Elle est timide, hein, elle fait timide. Sandrine est l'un des témoins de mon livre. Elle a accepté gentiment de répondre à mes questions, de bavarder avec moi, de parler des femmes de la vie de Johnny, mais de parler surtout de lui, de Johnny, puisque ce livre le raconte aussi, lui, à travers le prisme des femmes de sa vie, et pas seulement les compagnes, mais toutes les femmes qui l'ont accompagné depuis toujours, puisqu'il a été élevé déjà au départ par des femmes, sa tante et sa cousine. Et donc Sandrine a apporté un éclairage nouveau, oui. Il y a eu plusieurs témoignages, mais on en parlera sans doute tout à l'heure, on va laisser parler Bien sûr. Voilà, les témoins ont été très éclairants. Voilà. Donc Frédéric Quinonero est un grand biographe, mais c'est aussi, ça reste quelqu'un qui a aimé profondément Johnny Hallyday, comme chacun de ses fans. Et c'est ça pour moi, c'est... C'est très fort et aujourd'hui, je sais que l'absence de Johnny, elle est réparée un peu à travers son public. Alors, le regard que j'ai tenter d'apporter dans cet ouvrage de Frédéric Quinonero, c'est le regard d'une femme déjà, parce que Johnny était quand même entouré de beaucoup d'hommes, hein, professionnellement. Donc c'est un regard féminin et à l'époque assez rare parce que il y a peu d'ouvrages écrits par des femmes sur Johnny Hallyday. Et lorsque je lui ai proposé d'écrire un livre ensemble, ça lui semblait intéressant d'avoir un regard. Alors c'est lui qui a trouvé le titre du livre que j'ai écrit avec lui à l'époque sur le fonctionnement technique d'une tournée, comment fonctionne une grande tournée française, comment Johnny travaille sur scène. Ah ben je le montre à l'antenne. Je le montre. Quel chef d'entreprise il était, et il était, dans le cadre de l'ouvrage de Frédéric, j'ai apporté mon regard de femme et mon regard de professionnel pour pouvoir parler du Johnny que j'ai vu travailler, du Johnny que j'ai vu aimer aussi. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup et tellement aimé dans sa vie, c'est tellement impressionnant, et son public est en première ligne dans son existence, je pense. Et donc voilà, c'est ce regard de femme que j'ai pu porter sur ce livre qui parle de Johnny. Des femmes et, les femmes. Et de l'influence. Vu tout l'argent du monde, gardez-le pour vous. Et vous pouvez dire aux plus belles blondes qu'elles ne se pendront plus à mon cou. Moi je ne veux qu'elle, encore et toujours. Je n'ai besoin de rien, non rien d'autre que son amour. De toutes ces princesses qui règnent la nuit, peuvent garder leur corps et leur richesse, elles ne font plus partie de ma vie. Moi je ne veux qu'elle, encore et toujours. Je n'ai besoin de rien, non rien d'autre que son amour. Et elle m'a C'est important pour moi d'ailleurs d'avoir un regard de femme dans un ouvrage comme celui-ci, c'est la moindre des choses. Et on se rend compte justement qu'il y en a peu. Comme dit Sandrine, il y a beaucoup d'hommes dans l'entourage de John Hallyday et très peu de femmes, ou alors des femmes peut-être qui restent en retrait, qui n'ont pas envie de témoigner. Voilà. Livre, Sandrine est la seule avec Lynn Renault qui témoigne en tout cas pour ce qui la concerne de ce qu'elle a vécu avec lui à ses débuts, mais qui ne tient pas en tout cas à s'exprimer sur des choses plus intimes, on va dire. Mm-hmm. Moi, j'ai pas souhaité m'exprimer sur les choses intimes. Frédéric le sait, puis vous le lire hein, d'ailleurs dans cet ouvrage. Mais voilà, effectivement, sur l'homme de scène, l'homme en lien avec son public, et puis porter aussi un regard, évidemment, sur les femmes que j'ai croisées, parce que je suis arrivée en 91 dans sa vie, en 91 dans ma vie aussi, et donc l'idée, c'était on ne peut pas quand même oublier les femmes qui ont sur lesquelles il s'est appuyé. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, oui, et je le chanterai toujours. sur des guitares. Des mains noires lui donnaient le jour. Chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Ce qui a motivé l'écriture de mon livre, en tout cas, oui. C'est un article que j'avais écrit pour le HuffPost à un moment donné, où je le raconte au début, quoi, j'étais sollicité comme plein d'autres au moment de quand l'affaire de l'héritage a explosé, et par toutes les chaînes info notamment, et par certains organes de presse. Pour m'exprimer, donc j'avais refusé tout en bloc en disant que j'étais ni un intime ni un homme de droit pour pouvoir porter un avis. J'en avais un, bien sûr, que je gardais pour moi. Et puis le HuffPost, quand le HuffPost m'a proposé ça, c'était différent parce que là, c'était s'exprimer par écrit, c'était faire un article, éviter de passer à la télé et de prendre le risque de raconter n'importe quoi. Donc là, je pouvais faire un article réfléchi. Et la chose qui m'était venue, puisque ça tombait au moment où justement il y avait cette polémique par rapport au fait que Johnny soit enterré à Saint-Barthélemy, et j'avais fait cet article en disant, et ce que je pense encore aujourd'hui, hein, et c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre aussi. Et on parle d'influence des femmes, alors peut-être on appelle ça comme on voudra, mais chaque femme de la vie de Johnny Hallyday a amené avec elle un lieu, un endroit. C'est pas Johnny qui décidait de ça. Johnny décidait peut-être de tas d'autres choses, mais en tout cas le lieu de vie, ce sont souvent les femmes qui l'ont choisi pour lui. Et je disais dans cet article de façon un petit peu comme ça expéditive, mais bon, si Sylvie était restée, il serait enterré à Loconville, puisque Loconville dans l'Oise c'était le fief de la famille Vartan, ouais. et ils avaient leur manoir là-bas, c'était le manoir de Johnny et Sylvie pour tous les gens, pour le public, hein, pour le grand public c'était la maison de Johnny et Sylvie. Ensuite, Nathalie Baye, ben, l'avait amené en Creuse, où il a passé de belles vacances, mais ça a duré 4 ans parce que la Creuse, c'était définitivement pas fait pour lui. Adeline, tout le monde sait, et en particulier le maire de Ramatuelle, qu'il avait fait la demande d'être enterré au cimetière de Ramatuelle, à côté de la tombe, ou en tout cas pas loin de la tombe de Gérard Philippe. Le papier doit encore traîner quelque part, et l'autorisation du maire, d'ailleurs, le maire avait donné son autorisation. Et puis finalement, ben c'est dans cette île bling bling à Barthélemy, parce que ça correspond avec ce qu'il vivait avec Laetitia à ce moment-là. Donc Laetitia, et c'était Saint-Barth. Donc chaque femme a amené son lieu de vie. Voilà. Moi, je l'ai connu rue Molitor, mais rue Molitor, c'est lui qui avait choisi. Il n'aimait pas du tout la rue Molitor. Il appelait ça son bureau de ministre. Hein. C'était vraiment une maison utilitaire, quoi. Il fallait un pied-à-terre à Paris. La villa Molitor, je sais, sa villa de notaire. Il appelait ça sa maison de notaire. C'est vrai que c'était une maison de notaire, parce qu'elle était dans un petit... Ça ne lui correspondait pas du tout. Il préférait largement la Lorada, quoi. Quand il a fait Lorada, c'était vraiment à son image. Hein. Le côté un petit peu hacienda, Mexique et tout ça, c'était vraiment plus dans l'esprit américain tel qu'il le concevait. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un. volé sans doute le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. Un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au champ perdu. Excusez-moi, mais les débuts, c'est toujours un peu dur hein, pour arriver à appliquer le. Il est arrivé quelque chose aussi de particulier quand même dans l'écriture de ce livre, c'est que j'avais interviewé Jean Renard, qui est le compositeur, comme chacun sait, de Que je t'aime, entre autres. Pour Johnny Hallyday, qui a été son directeur artistique aussi à un moment donné, et celui de Sylvie Vartan. J'avais été assez dérouté par l'entretien que j'avais eu avec Jean Renard. J'avais dîné avec lui pendant 2 heures. Il m'adressait un portrait de Johnny que je n'attendais pas, en fait, qui m'a un petit peu déstabilisé. J'étais rentré chez moi. C'était le premier témoin. Il n'arrive pas en premier dans l'écriture du livre, mais c'est la première personne que j'ai interviewée pour ce livre-là. Donc, du coup, j'étais rentré chez moi un petit peu perplexe et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de tout ce qu'il m'avait raconté. Oui. Je trouvais ça un petit peu confus aussi. C'était pas trop clair pour moi, ça l'est devenu après. Et ça l'est devenu aussi grâce à Sandrine, parce que Sandrine, du coup, quand je l'ai appelée, elle avait à peu près la même vision du personnage et en tout cas, beaucoup de choses en commun avec ce que m'avait raconté Jean Renard. Et je crois qu'à ce moment-là, quand j'ai appelé Sandrine et qu'on a dialogué, que je me suis rendu compte qu'effectivement, Jean Renard, ce qu'il disait, ça pouvait se rapprocher d'une certaine vérité, parce que, restons prudents, on n'affirme rien, on s'interroge hein, sur un personnage, on s'interroge aussi sur la relation qu'il a pu avoir avec certaines femmes. Mais on se rapproche d'une certaine vérité, de toute façon. Et je crois que c'est à ce moment-là que ça m'a donné l'élan, en fait. Je suis vraiment parti sur ces deux témoignages-là. Et puis, j'ai continué mon récit. Et ça a donné ce livre-là, qui est un livre qui parle beaucoup, beaucoup de Johnny. Bien sûr, essentiellement de Johnny et de son. Oui, on parle de ses femmes, mais le personnage principal, c'est Johnny Hallyday et ses femmes. Mais ce qui est très intéressant dans ton livre, justement, ce sont les interventions de chaque personne que tu as pu interroger. Comme nous avons Adi Calafat, Lynn Renault, Jean Renard, Michel Mallory, Jean Azarel, Jean-Marie Perrier, le septième témoin nommé R. Sandrine réalisateur, oui. Ça, c'est un courriel que j'avais reçu qui exprime quelque chose de très particulier. C'est un dîner entre Johnny Hallyday et Laura Smet. Donc, tout le monde comprendra. C'est un livre aussi qu'il faut savoir lire entre les lignes. Hein. Oui, bien sûr. On comprendra ce que ça vient faire là en le lisant, je pense. J'ai essayé, si tu veux, je te tutoie, Eric, oui, quand même. Ouais. Mais oui, bien sûr. J'ai essayé d'interroger des personnes peu attendues, finalement, à part, évidemment, Jean-Marie Perrier, quelques-uns, Jean-Marie Perrier, Michel Mallory, Pierre Billon, ça me paraissait inévitable, mais à côté de ça, je voulais aussi faire découvrir aux lecteurs d'autres personnes et qui ont un point de vue peut-être un petit peu différent, on va dire. Voilà, donc, et je pense que tous ces témoins réunis apportent chacun un éclairage nouveau au personnage de Johnny Hallyday à travers ce fameux sujet dont on s'écarte souvent, quelquefois, oui, en tout cas, des femmes, de l'influence en tout cas. On parle beaucoup d'influence, effectivement, mais c'est pas seulement l'influence que les femmes auraient pu avoir sur lui ou lui sur elle, ça, c'est aussi quelquefois l'influence tout court. Nous n'avons plus rien à nous dire. Moi, je suis plus dur que tu ne crois. ne te sert pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll. Non, joue pas de rock'n'roll pour moi. Oh non. C'est pas ce qu'un homme devait faire pour mériter ce nom. Mais le doute et la folie marchaient à tes côtés. Qui ose parler de ton retour et de nos souvenirs, avec une voix qui grince comme un 45 tour usé. Chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh non. Nous n'avons plus rien à nous dire. Moi je suis plus dur que tu ne crois. On ne te sert pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Allez à vous maintenant. Hey. Joue pas de rock'n'roll. Joue pas de rock'n'roll. Hey. Joue pas de rock'n'roll pour moi. J'ai voulu faire une ode aux femmes, oui. En quelque sorte. C'était pas du tout dans un esprit de vengeance ou de revanche ou de prendre parti. Oh ben tiens, celle-là, c'est voilà. Non, pas du tout. J'ai essayé de m'attacher à chacune et de voir, en tout cas, vis-à-vis de lui toujours, ce qu'elles ont pu chacune lui apporter et comment le personnage a évolué à leur contact. Évidemment, Sylvie Vartan est une femme importante de sa vie, parce que ce couple-là, mythique, on en parlera toujours, et personne ne pourra l'effacer. C'est un leurre de penser, quand on a été une des femmes de Johnny Hallyday, de vouloir rayer Sylvie Vartan. C'est impossible, ça n'existe pas. On l'avait vu en 93, quand il avait fêté ses 50 ans, qu'elle était arrivée magnifique dans sa robe de velours rouge sur cette voiture décapotable et cette imitation du pont du Golden Gate de San Francisco. Et qu'elle descendait par cet ascenseur translucide, je crois que j'ai jamais entendu. C'était inimaginable, hein. C'était au Parc des Princes quand même, hein. Un stade, un monde, je ne sais pas combien il y avait de personnes là-dedans, mais je ne sais pas, 30 000 peut-être, au Parc des Princes. 50 000, hein, près de 50 000. 50 000, voilà. Un silence d'église. Mais un silence. Oui. Oh, mais ça avait été impressionnant, j'en avais la chair de poule, quoi. Et Vartan qui chantait a cappella, des tendres années en plus, et on est sorti de là. Il y a quelqu'un qui a dit, plusieurs personnes même, je crois, mais il y a quelqu'un qui a dit il a chanté avec sa femme. Et ils avaient divorcé quand même depuis 13 ans. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Le matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Merci. Happy birthday, Johnny. Sylvie Vartan, elle a cette chance, c'est qu'elle est chanteuse, elle aussi. Et donc, ça fait partie, leur histoire fait partie de l'histoire de la chanson. Donc, en plus d'avoir été une histoire d'amour, elle fait partie aussi de l'histoire de la musique française. Donc, ça ne s'efface pas. Donc, si les suivantes ont voulu, à un moment donné, effacer ça, elles ont eu tort. Ils ont divorcé en 80, ils se sont revus ensuite, ils ont fait des duos ensemble, ils ont un fils ensemble. Elle lui a rendu hommage dernièrement, elle est tout à fait légitime pour le faire, mais il y a les autres, quoi. Les autres ont compté, et au combien, quoi. Concernant Johnny Hallyday, de mon point de vue, l'homme que j'ai connu, personne n'avait d'influence sur lui, quel que soit le genre, hein. Que ce soit une femme ou un homme, quelle que soit l'origine sociale, de mon point de vue, personne n'a jamais eu d'influence sur ce gaillard. C'est quelqu'un qui a mené sa carrière avec une main de maître, une intelligence animale, subtile, un sens de l'observation qui n'était pas à démontrer, un humour. Incroyable, un courage parce qu'il travaillait. Enfin, on dit souvent, mais Johnny, c'était quand même plus de 2 heures de concert chaque soir sur une tournée de 300 dates à l'année. Eh bien, je souhaite, faites-le. Hein. C'est pas facile, quoi. Il faut vraiment du courage pour travailler, un vrai travailleur de fond. Et même moi, dans le cadre de mon livre, il a bien plus influencé ma vie que je n'ai pu influencer la sienne. Il m'a bien plus appris de choses dans le domaine de la communication. Je dirais que presque qui que soit d'autre, parce que j'ai travaillé aussi avec d'autres personnes qui m'ont appris des choses. Mais c'était quelqu'un qui influençait beaucoup la vie des gens. Et je suis agacée d'entendre qu'il ait pu être influencé pour telle décision, pour faire ci, pour faire ça, etc. Moi, de son vivant, quand il ouvrait la bouche, tout le monde se taisait. Hein, il faisait les malins. Et les personnes dans son entourage, qui résistaient. Et qui résistait et qui s'exprimait et qui dans ce cas-là était au front, c'était finalement des femmes sur lesquelles il s'appuyait, mais pas des femmes qui l'influençaient. Mais quand il râlait, etc., j'ai souvent vu, moi, dans son entourage, bah, les hommes se taire en se disant « Waouh, il va nous arriver quoi ?» Et c'est les femmes qui étaient auprès de lui qui finalement étaient là pour adoucir aussi les situations. Enfin, c'est ce que j'ai pu, en tous les cas, modestement observer. C'est le terme d'influence peut-être qui quelquefois peut être mal interprété. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a ce qui était intéressant à voir, hormis évidemment les différences de points de vue, hein, dans les témoignages. Sandrine le donne le sien. Il y a d'autres points de vue dans les autres témoignages. Mais ce qui était intéressant de voir aussi, c'est surtout l'échange qu'il a pu avoir avec ses femmes, parce que ça n'a pas été anodin, quoi. Il les a pas choisies pour rien. Ce qu'il a vécu avec elles, souvent, en tout cas, bon, il y a des filles qui sont un petit peu de passage ou en transit entre deux. Mais les femmes qu'il a choisies dans sa vie, en général, il les a choisies pour quelque chose. Et il y a eu un vrai échange. Et puis, elles ont apporté des choses. Chacune a apporté quelque chose à Johnny Hallyday, que ce soit humainement ou artistiquement. Chacune. Ah oui, mais quand tu regardes, finalement, Johnny a toujours été entouré de femmes avec du caractère, courage, une vraie personnalité, des travailleuses, des femmes qui faisaient bouger les lignes. Il n'avait vraiment que de vraies belles personnalités auprès de lui. Sylvie Vartan, voilà, c'est incontournable. Nathalie Baye, c'est incontournable. Laetitia Hallyday, c'est incontournable. On a qui d'autre ? Est-ce qu'il en a... Adeline, une personnalité, mais Adeline, attention, en plus, une histoire incroyable, une femme avec une personnalité éblouissante aussi, une très très belle femme, et une femme courageuse également. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. « Dehors, il fait chaud. Et du midi, l'oiseau s'envole sans effort. Une fois, j'aimerais pouvoir la finir tout seul. Des amours, peut-être. Je crois qu'il avait besoin d'admirer, tout simplement. Il avait besoin d'être en admiration devant les femmes. Il était, quand il était amoureux, il fallait qu'il soit admiratif aussi de la personne, donc il les poussait quelquefois quand il n'avait pas envie d'une Madame Hallyday, quoi. Il n'avait pas envie d'une femme à ses côtés qui ne soit que Madame Hallyday. Laetitia à la fin, qui était un petit peu ça, puisque c'est sans doute la seule qui a été vraiment, on peut dire, une fan de son mari, et qui était à ses côtés au tout début, un petit peu dans l'ombre. Il l'a poussée à faire des choses par elle-même. C'est lui qui l'a incité à aller de l'avant et à s'occuper d'enfants orphelins, pour l'UNICEF ou pour voilà. Et à un moment donné, il a fallu qu'elle s'affirme. Tout en sachant que cette femme-là a quand même une personnalité comme les autres, hors norme, avec une vraie empathie. Elle est vraiment tournée vers les enfants depuis très longtemps, et donc cette démarche en direction de l'UNICEF. Je pense que c'est aussi... C'est quelque chose qu'elle avait en elle, forcément, mais lui a voulu qu'elle approfondisse justement ce qu'elle avait en elle, qu'elle en fasse quelque chose de façon très active, quoi, voilà. C'était un révélateur, Johnny Hallyday, un révélateur dans la carrière, un révélateur dans notre... dans le cadre de mon élan et de l'élan que j'ai eu sur mon livre, c'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagnée, qui a poussé des leviers, des leviers nécessaires pour que le livre avance. Mmh. Effectivement, oui, c'est un révélateur de quelque chose qu'on peut avoir en soi en qualité de femme. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui accompagnait et qui s'appuyait en même temps énormément sur ces femmes et sur ces personnalités-là, énormément. Je dirais presque jusqu'à plus soif, j'ai cette impression-là, de ce que j'avais pu, moi, observer, de ce que j'ai pu observer. J'ai toujours cette phrase en tête, elle est où ma femme ? Elle est où ma femme ? Elle est où Laetitia ? Mais il ne disait pas, elle est où ma femme ? Quoi. Il cherchait sa femme et je veux rentrer voir les petites. Elle est où ma femme ? C'est vraiment quelque chose qui restera jusqu'à dernier jour de mes jours dans ma tête. Quoi. ce sont les mots qui me font peur. Les bavardages qu'il faut et parler comme une erreur. Je n'ai pas les mots, mais n'aie pas peur. Ma belle, je lis sur ta peau ce qui rend le monde meilleur. Ça vient, je sais bien d'où ça vient. Tu es dans ta joie leur amour vainqueur. Tu es dans ta voix j'entends leur pudeur. Tu es elle, ton regard sur moi sa valeur. Tu connais depuis quand exactement Johnny Hallyday, Sandrine ? 1991. On s'est rencontrés parce que, ben, je résume, mais moi j'étais journaliste et en fait à l'époque je cherchais je voulais une ligne de plus dans mon CV et j'ai souhaité trouver un personnage public pour écrire un livre sur ce personnage public. Donc j'ai identifié des personnages qui me semblaient intéressants et je suis tombée sur un article paru dans les Lettres françaises en 1964, mmh. écrit par l'auteur Elsa Triolet, qui à l'époque écrivait dans les Lettres françaises, dont le rédacteur en chef était Aragon. Et là, elle a écrit une pleine page dans les Lettres françaises en parlant de Johnny. Et j'ai trouvé cet article éblouissant. Elle expliquait, elle disait, mais vous verrez en l'an 2000. Cet homme, on en parlera encore, il sera là. Il a une intelligence animale, c'est un phénomène et il a besoin de son public et on sent qu'il va chercher de l'énergie chez eux et ce sera une très longue histoire. Vous verrez en l'an 2000 quand il sera invité à la Maison Blanche. Et en lisant ça, je me suis dit waouh, c'est ce mec-là que je veux rencontrer, quoi. C'est vraiment lui, même si je le trouvais un peu... C'était pas trop ma tasse de thé, mais de toute façon, je suis jamais fan et Johnny était le premier à le savoir. Et donc, je l'ai rencontré, je me suis dit, voilà, moi, je voudrais écrire un livre sur vous et expliquer quel professionnel vous êtes, parce qu'il organisait de grosses tournées. Et on en parlait, je trouvais, trop peu de ce côté chef d'entreprise, homme de direction, homme de tête, finalement. Mm-hmm. Et il a semblé d'accord, il était un peu surpris, parce que c'est très jeune quand même, puis assez audacieuse et puis un peu têtue. Nos premiers entretiens étaient très chauds, hein, voilà. Et puis finalement, parce qu'on n'était pas toujours d'accord, on s'est engueulé et tout ça. Et puis finalement, on a commencé, on a fait ce livre ensemble. Et puis ça m'a permis d'ajouter une ligne dans mon CV. Et comme je lui ai dit à lui, je lui ai dit, moi, je veux faire un livre sur vous parce que vous êtes, je pense, quelqu'un d'incontournable. Et je suis sûre que dans 30 ans, vous serez toujours aussi incontournable grâce à Elsa Triolet. Donc, c'était vraiment marcher sur les traces d'Elsa Triolet et partir faire une enquête sur le personnage, sur la personne aussi, la personnalité Hallyday. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Puis après, on est resté en contact les 23 années qui ont suivi. Il me faudra aller d'amour un jour avant l'erreur, le point de non-retour. Il nous faudra parler d'amour un jour avant l'erreur, le point de non-retour. Changer tout ça, cœur de pierre, cœur trop lourd, faudra changer un jour. Il nous faudra parler d'amour un jour. Quand les hommes n'auront plus d'autre retour. Et ce jour-là sera un autre jour, le premier jour d'amour. trahir, ne pas lire. Plus la peine de tirer, de brûler. Fini peur et jamais peur, cœur brisé, cœur aïeulé. Et puis donc, tu as eu le temps de voir un peu Johnny Hallyday, son comportement, le comportement de Johnny au fil des années, avec différentes compagnes qu'il a pu avoir aussi. Oui, j'ai observé. Oui. Frédéric, alors, enfin, je trouve que c'est très bien, on a échangé avec Frédéric, et quand j'ai pu lire ce qu'il avait retraduit de nos échanges, je trouve que ça résume assez bien ce que je pouvais penser de Johnny Hallyday, du professionnel qu'il était, et de l'homme qu'il était, et du charmeur aussi qu'il était, hein, mm-hmm. avec les femmes. Et puis avec les hommes. Parce qu'en fait, il charmait tout le temps, tout le monde. Il avait besoin. Hein. Il fallait que, pour que son business avance, pour faire des gros shows avec des mains qui arrivent sur scène, etc., il fallait qu'il charme Jean-Claude Camus, son producteur. Parce que Jean-Claude Camus, il fallait le charmer pour qu'il sorte de l'argent. Hein, si ouais, pour arriver à ses fins, il était, on va dire, presque prêt à tout. Oui, clairement. Il était prêt à tout. Et parce que pour obtenir les shows qu'il a obtenus, pour obtenir les moyens oui. financiers qu'il a obtenus, pour gagner la vie qu'il a réussi à obtenir, il avait une origine modeste, sociale très modeste. C'est aussi ça que j'aimais énormément chez lui. Mm-hmm. Et oui, il n'avait pas le choix. Il était seul dans ce grand bateau et il était maître à bord et il a bien mené sa barque. Et puis après, mm-hmm. Il en a fait un navire, il en a fait un paquebot, et puis il est allé atterrir sur une île devant le Jojo Burger, parce qu'en fait, il est enterré devant le Jojo oui. Burger, et visiblement, ça le faisait sourire. Moi, ça me fait beaucoup rire aussi. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, a de l'humour, et puis jusqu'au bout, il a mené son bateau pour aller jusque-là, et pour emmener ensuite ses femmes jusque-là, parce que finalement, ben, pour Johnny, c'était aussi... peut-être raconter à travers ce choix le fait de se dire que ses fans font un grand voyage, encore une fois, pour aller mmh. jusqu'à lui. Tous ceux qui en ont la possibilité, évidemment, parce que ce n'est pas facile, on ne peut pas tous s'y aller, hein, on ne peut pas tous faire ce voyage, mais c'était, je crois, aussi les prendre par la main et leur dire « Venez, on va traverser le monde ensemble. » Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète ça. Alors, c'est peut-être peut-être, il y a peut-être trop de poésie, mais je pense que Johnny était vraiment un être de poésie quoi, aussi. Donc, c'est comme ça que je le voyais. Donc, voilà pourquoi je partage ce point de vue-là. D'accord. Donc, tu ne verrais pas à la rigueur un monument sur Paris ou à la rigueur, tu aurais préféré que Johnny soit enterré en France, qu'à Saint-Barthes. Oh non, mais il est enterré là où il en avait envie, parce qu'il avait bien... c'est quelque chose qu'il avait exprimé très clairement dans mon souvenir. Mmh. Et il avait évoqué... Alors déjà... lorsqu'on a fait mon livre ensemble. Enfin, c'est pas mon livre, c'est le livre des fans maintenant, parce qu'il est un peu chez tous les fans. Et donc, lorsqu'on a fait notre livre, il m'avait parlé, j'avais fait un parallèle avec Jacques Brel et lui, et Johnny m'avait parlé de Jacques Brel qui était enterré aux Marquises, et c'est fantastique, oui. Il me disait tout, mmh. parce que quand on va finalement sur la tombe de Jacques Brel, on est un peu seul au monde, on va se recueillir, il y a quelque chose d'un peu magique, c'est à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui lui avait beaucoup plu. Et d'ailleurs, à l'époque, il m'avait prêté un livre un peu inédit qu'il avait dans sa bibliothèque sur Jacques Brel, écrit par la dernière compagne de Jacques Brel, Madeleine Bamy, mm-hmm. qui était sœur d'Éric Bamy, le double vocal pendant des années. Et ça l'avait quand même ébloui. C'est ce Jacques Brel qui est sur une île, quoi. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout de voir Johnny sur cette île à l'autre bout du monde devant le Jojo Burger. Oui. Tu peux chercher des jours et des années, tu peux chercher sans jamais t'arrêter, passer des heures et des frontières sans. sans trouver sur cette terre quelqu'un qui t'aimera autant que je t'aurai aimé. Tu peux chercher, rêver, t'imaginer. Tu peux jouer, tromper, te blesser, briser des cœurs et des montagnes. Il n'y a pas d'homme ou de femme capable de t'aimer comme je voudrais le crier. T'en trouveras des biens plus charmants, plus distingué, plus brillant, selon le type qui font si bien dans les salons. Plus élégant et plus galant, des moins jaloux, des moins loups, raisonnable et jamais fou, même d'amour. Sinon, pour mettre ton livre, Frédéric. Ouais. Donc, tu viens de nous dire comment tu as eu l'idée de ce livre, justement. Et aussi, en même temps, on est surpris, hein, on est surpris que tu écrives cet ouvrage, car tu sors un peu de la biographie et tu t'aventures sur un sujet, on va dire, particulier, Johnny et ses femmes, femmes et influence. Oui, ben, écoute, en tout cas, c'est un travail qui m'a beaucoup plu, justement parce qu'on sort du cadre un peu restrictif de la biographie où on a tendance à vouloir tout dire, où on a tendance à vouloir... être limité aussi par des règles que qu'impose ce style littéraire-là. Là, c'est un travail d'enquête, donc on peut laisser libre cours à plein de choses. Et puis, alors, la difficulté, parce que c'est la première chose qu'on rencontre quand on essaie d'aborder ce genre-là, il y a plusieurs difficultés. La première, pour moi, ça a été, il fallait pas que ça fasse catalogue ou tableau de chasse de toutes les nanas de la vie de Johnny, comme ça. Il fallait vraiment qu'il y ait un angle, il fallait vraiment qu'il y ait, et je crois, encore une fois, pour eux, que Jean Renard, puis Sandrine, avant les autres témoins que j'ai interrogés après, mais il a fallu ce déclic-là. Eux m'ont un petit peu mis sur des rails. Après, tout a roulé, tout a roulé de façon très confortable, parce qu'il fallait sortir un petit peu du seul cadre des femmes. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller. Laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles. Ouh, laisse-toi aimer des filles. Ouh, laisse-toi aimer des filles. Ouh, laisse-toi aimer des filles. Ouh, laisse-toi aimer des filles. Jean Renard, en me disant « Laissez tomber les femmes, il n'y a pas d'influence des femmes, Johnny n'a été influencé par personne, ni par les femmes, ni par personne. Il a construit une image et puis tout à coup, il est devenu Johnny Hallyday, puis, etc. etc. » Donc, vous lirez dans le livre tout ce que Jean Renard a pu me raconter, mais ça m'a permis effectivement de ne pas me laisser emprisonner par quelque chose, par ce voilà, de sortir un petit peu, d'élargir quoi, d'ouvrir le débat et surtout, et aussi une chose qui était à laquelle il m'a fallu prendre garde, c'est de ne pas me positionner, ne pas donner mon avis, je n'étais pas là pour ça. Bien sûr, tu n'étais pas en tant que fan. Ne pas distribuer des bons points, il y avait la bonne épouse et la mauvaise. Donc, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon, ça n'a pas du tout été mon propos, d'abord de quel droit. En revanche, je pense qu'en lisant ce livre, on peut, en sachant lire entre les lignes, on peut comprendre certaines choses. Certaines choses sont exprimées sans être dites. Je crois que c'était le seul moyen d'avancer dans ce récit-là, parce qu'il y a des choses non plus qu'on ne pouvait pas occulter. En prenant ce sujet-là, les femmes et l'influence, tournons pas autour du pot, je ne pouvais pas occulter l'histoire de l'héritage. Bien sûr. Et Laetitia. Mmh. Voilà. Mais Laetitia, je l'ai abordée comme j'ai abordé, peut-être comme un romancier aborderait une héroïne d'un roman. Mmh. Quand on écrit, on se prend d'empathie forcément pour ces personnages, pour les sujets sur lesquels on écrit. Et il ne faut pas avoir d'a priori contre au départ, parce que si on a un a priori contre, ni pour ni contre, il faut se laisser embarquer. Moi, je me suis laissé embarquer. Et dans le fond, ce n'est pas que je les aime toutes, mais je pense que chacune a ses qualités, ses défauts. J'ai mis en avant beaucoup de leurs qualités. Mmh. Je crois que Laetitia en avait aussi. Et je crois qu'elles sont exprimées. Tout ce qu'on a pu reprocher à Laetitia par la suite, je ne pouvais pas l'occulter. Bien sûr. Donc, j'ai essayé de faire parler des gens qui ont connu Johnny, qui ont connu Johnny avec Laetitia, et de faire se confronter peut-être aussi des témoins qui avaient des opinions différentes. Il y a certains témoins qui prennent position peut-être pour Laetitia, d'autres moins. Donc, j'ai laissé parler les gens, quoi. J'ai laissé parler les témoins et je me suis contenté de raconter les choses telles qu'elles ont eu lieu, en essayant de synthétiser, parce que j'ai pas fait un livre sur cette affaire-là. Hein. Bien sûr. J'en ai parlé, mais j'ai pas consacré des pages et des pages non plus à l'héritage, à l'idée. Importance. À partir de maintenant, il faudra que je m'habitue à vivre le cœur dur. Je suis comme en convalescence, je ne suis pas guéri encore de son absence. Lorsque j'y pense, j'étais un homme il n'y a pas longtemps. J'ai peur d'être un enfant à partir de maintenant. À partir de maintenant, moi je vais m'ennuyer partout et haïr tous ces gens. C'est fou la place qu'elle avait pris, c'est fou l'amour, c'est con la vie, bien trop souvent. Je vais me tuer à travailler et faire de mon mieux pour ne pas sombrer et ne pas craquer. Je sais bien que je n'aimerai plus vraiment à partir de maintenant. À partir de maintenant, comment pourrais-je faire l'amour? Comment faisait l'amour? Je connaissais son corps par cœur, mais son cœur a été déjà loin ailleurs. Avec elle j'avais du talent, j'étais drôle et je me sentais plus fort qu'un géant. Je voulais lui faire un enfant, je ne veux plus d'enfant à partir de maintenant. commence une autre vie. Pour moi la jalousie. Sans le connaître, je hais cet homme, car je sais quel amour elle donne quand elle se donne. À partir de maintenant, elle doit l'aimer, oublier même que j'ai existé. Si j'ai existé, rien ne sera plus comme avant pour moi. À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant pour moi. À partir de maintenant. Parmi les femmes que tu cites dans ton livre, est-ce que tu en as rencontré quelques-unes ou c'est, à part Lynn Renault, est-ce que tu en as rencontré d'autres ou tu as pu avoir des contacts avec elles? Non, et de toute façon, c'était soit toutes, soit personne. Mm-hmm. Et comme c'était très difficile, voire impossible, de les faire témoigner toutes, je pense qu'aucune n'aurait accepté. Je pense qu'aucune n'aurait accepté parce que c'est toujours délicat de faire ce livre-là où on aborde toutes les femmes de Johnny Hallyday. Chacune, chaque femme, et c'est bien normal, a envie d'être la seule. Et ce qui était important, c'était aussi d'avoir une liberté d'écriture. Mm-hmm. Et ne pas être influencé ou quoi que ce soit, donc surtout ça de ta part. Pour le coup, voilà, qu'il n'y ait pas d'influence, en tout cas en ce qui me concerne. mais j'ai écouté tout le monde. Je crois qu'il fallait ce recul-là, ouais. Que j'avais peut-être pas, moi, il y a quelques temps, quand Johnny est mort et quand il y a eu cette affaire d'héritage qui a explosé, j'avais un avis assez tranché, moi. Mm-hmm. Voilà. Et là, tu t'es ravisé un petit peu? Tu as adouci ta pensée? Je crois que le temps a passé déjà. Ouais. Le temps a passé, donc le temps adoucit forcément les réactions épidermiques. Et ensuite, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, même si j'ai un caractère comme ça qui a tendance à être spontané, impulsif parfois et tout ça, mais je pense que dans la vie, rien n'est blanc et rien n'est noir. Y a pas ça c'est bien et ça c'est mal. Je crois qu'il y a, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce qui est intéressant, surtout quand on est un auteur, d'aller justement à la recherche de cette complexité. Mmh. Comme tu racontes le livre, ça nous amène à comprendre encore mieux les choses. Une fois que tu développes, une fois qu'on a aussi, quand on lit toutes les réactions des intervenants, on comprend encore mieux le personnage. Justement, ça adoucit en même temps, ça pourrait adoucir la pensée spontanée qu'on avait eue au départ. Il fallait aussi que les femmes, bien que c'est un livre consacré à Johnny, on est d'accord, et c'est un livre qui parle essentiellement de Johnny, mais où les femmes ont un beau rôle, quoi. Mmh. Je trouve ça très misogyne de pouvoir penser que Johnny ait pu être influencé par des femmes et que lui n'ait aucune responsabilité dans tout ça. Exactement. Johnny Hallyday, en plus ça serait en plus présenter un portrait très négatif de Johnny Hallyday. Bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'il a sa part de responsabilité aussi dans les choses et il fallait pas non plus occulter ça. Quoi qu'on en pense. Oui, Sandrine, vas-y. Johnny Hallyday, on a aimé Johnny Hallyday. Nous, en tant que fans, on aime Johnny Hallyday, on aime le rebelle, on aime le rocker. On n'aurait pas aimé Johnny Hallyday s'il avait été autrement, si ça avait été un personnage lisse, romantique, sentimental, gentil. Il n'était pas tout ça. Exactement. Ah oui, c'est vrai, ça, enfin, je trouve. Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, est trop loin de moi. Je suis un soldat comme d'autres là-bas. Oui, j'attends le jour qui verra mon retour. Quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Et si le temps n'en retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans cette course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour qui ne devient éternel. Dans le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie, à l'infini, retiens-la. Mais je crois que les femmes de la vie de Johnny, il fallait qu'elles aient compris ça, quoi. Il fallait comprendre ça pour rester avec Johnny Hallyday, c'est accepter en tout cas que la scène et le public passent avant tout. Les femmes passent avant tout. Je pense que ça, elles l'ont toutes compris, ouais, toutes. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Sylvie, forcément, puisqu'elle faisait le même métier. Le métier, oui. Bien que Sylvie, quand elle sortait de scène, elle oubliait la Vartan, elle redevenait Sylvie. Alors que Johnny, même sorti de scène, il était toujours Johnny Hallyday. Et c'était pas facile, certainement, à vivre. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas, car pour moi tu es la seule, la seule. Yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser, me fait crier. Pour moi tu es la seule, car pour moi tu es la seule. Pour personne, pour aucune, ça a dû être facile à vivre. Nathalie Baye, elle a essayé aussi d'aller plus, de creuser un petit peu plus le personnage, de sortir de Johnny Hallyday pour aller vers Jean-Philippe Smet. Elle y est un petit peu parvenue, mais pas vraiment. Elle l'a amené sur une voie qui n'était pas forcément la sienne. Elle lui a apporté quelque chose de nouveau, en tout cas dans son parcours artistique. Une crédibilité auprès de l'intelligentsia, une crédibilité auprès des cinéphiles. Mm-hmm. Elle lui a ouvert le cinéma. Oui, mais elle s'est faite quand même aspirer. Elle s'est faite quand même aspirer par Johnny, justement. Elle s'est faite aspirer par les paparazzi, par la vie publique. La vie, était vraiment, vraiment en pleine lumière. Ah oui, elle a obtenu la gloire en retour. Est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? Je ne sais pas. En tout cas, elle est partie aussi à cause de ça. Mm-hmm. Parce que elle était sans arrêt poursuivie par les paparazzi, c'était infernal. Pour une actrice, c'est difficilement vivable. Je pense que cette vie-là ne lui convenait pas. Pas plus que la vie en Creuse ne convenait à Johnny Hallyday. Ils se sont aimés, ça a été une passion. Ils ont eu un enfant, ce qui est la plus belle chose quand même. Et en tout cas, en peu de temps, en très peu de temps, elle a réussi vraiment à changer Johnny, à lui apporter le grand public. Nathalie Baye lui a apporté le grand public. Donc là, on ne parle pas d'influence, on parle de conseils plutôt, d'orientation. Là, c'est un échange, chacune a apporté quelque chose. Oui, ça peut être des conseils, des recommandations, ça peut être, tiens, une discussion comme ça, je te verrais bien... chanter ou travailler avec un tel ou une telle et engager de faire en sorte que ça se fasse, quoi, des rencontres, de voilà, je crois que c'est Nathalie Baye qui avait demandé à ce qu'on organise un dîner avec France Gall et Michel Berger pour parler de ce projet d'album. Au départ, Johnny avait dit à Michel Berger, j'aimerais que tu m'écrives une chanson, et Michel Berger a dit, c'est un album ou rien. Et c'est parti comme ça. Mmh. Et après, il y a eu Goldman avec cet album truffé de tubes. Et là, c'était parti, quoi. Ensuite, Adeline, elle l'a ramené un petit peu aux sources du rock. Son côté rebelle, un petit peu, ben, c'était la fille de Longue Crise, quand même. Donc, assez rock'n'roll, Adeline, et jeune et rebelle et tout ça. Donc, il a retrouvé un petit peu... les racines du rock, les motos, il y a eu toute cette période avec Adeline. Elle lui a fait chanter Diego quand même, faut pas oublier, c'est une idée d'Adeline, de lui faire reprendre Diego de Michel Berger, ça a été une grande idée, et de reprendre aussi les chansons de son père qu'il ne chantait plus, joue pas de rock and roll, qu'il ne chantait plus depuis 77. Elle lui a fait mettre à son répertoire, et puis la chanson ne l'a plus quittée du coup. Puisque le public a adoré Voyage au pays des vivants, des chansons comme ça qu'il a remis à son répertoire à ce moment-là. Et puis, elle lui a apporté surtout la jeunesse. À ce moment-là de sa vie, sans doute qu'elle est arrivée, c'était un rayon de soleil. Bien que ça soit mal passé, parce que c'est aussi, Adeline avait un tempérament comme ça, c'était une jeune rebelle comme ça, et elle n'avait pas spécialement envie qu'on lui impose une ligne de conduite, et elle n'avait pas non plus envie de supporter les frasques de son mari, qu'il s'appelle Johnny ou pas, elle rendait coup pour coup. Tu me trompes, je te trompe. Moi, j'aime bien la considérer comme ça, Adeline. Quand elle danse, quand elle... Adeline, elle a vraiment aimé Johnny Hallyday. Hein. Ils se sont vraiment aimés tous les deux, et ils ne se seraient pas mariés deux fois avec elle s'ils ne l'avaient pas aimé. Et d'ailleurs, on n'est pas tous. On a deux faces, quoi. On est à pile ou face, et puis lui, il volait souvent en l'air, une fois pile, une fois face. C'est quand même quelqu'un qui savait se jouer des situations. Moi, j'ai beaucoup ri avec lui. Hein. C'était un grand observateur. Il savait qui l'entourait. Il était très conscient des gens qui l'entouraient, très conscient des gens qu'il souhaitait garder auprès de lui aussi. Et lorsqu'il souhaitait garder quelqu'un auprès de lui, aucun souci. Les gens restaient auprès de lui. On dit qu'il se ressemble, ça semble. Je suis l'ombre, toi le soleil. Nous ne dormirons jamais ensemble, et pourtant nous sommes pareils. Au matin tu te joues dans les arbres, tu caresses les collines. Sur les plages amoureux tu les ordes, tu t'approches, je décline. Oh ma divine, ma clandestine, à pas de lune, tu t'avances et tu danses dans ma lumière. Oh ma si belle, tu m'ensorcelles à 100 000 étoiles. S'accroche à tes voiles, oh ma fleur de lune. On dit qu'il se ressemble, ça semble. Toi, mon ombre. Oh, mon soleil. Tu es juillet et je suis décembre. Et pourtant, nous sommes pareils. Je suis un ciel d'azur sans nuages. Un voilier blanc sur la mer. Un t'offre à moi les filles de la lumière. Dans ta pénombre, oh ma fleur de l'ombre, au creux de ton lit, tes amants se couchent à ton clair de lune. Il réfléchissait les choses. En tous les cas, Johnny n'a jamais fait les choses au hasard. Enfin, moi, celui que j'ai connu, il était assez droit dans ses bottes et assez conscient des gens qui l'entouraient, du monde dans lequel il vivait. Il n'était pas absolument éthéré en permanence. Il planait pas à 15 000. Hein. Ensuite, le fisc, ça a été l'histoire de sa vie quand même. Hein, voilà. Alors pourquoi pas? Il savait pas, c'était pas quelqu'un qui savait peut-être gérer tout ça. Donc on peut pas toujours tout savoir faire. Il savait absolument pas gérer. Je sais pas si c'est pas Pierre Billon que Laetitia, après sa mort, allait se prendre, oui, des sauts de merde. Des sauts de merde. Tout à fait, oui. Est-ce que justement, la question, oui, c'est est-ce qu'il n'avait pas envisagé ces deux scénarios justement après pour les suites sur les suites après sa mort? Cette histoire d'héritage, si ça se passera bien, si ça se passera mal, est-ce que tout le monde continuera d'aimer Laetitia ou lui, peut-être qu'on va le haïr, qu'on va le... Je pense que lui... Salut, dis-moi. Il s'est mis à l'abri de tout, et il se savait à l'abri de tout. Il savait qu'il était intouchable, Johnny. Puis est-ce que vraiment il envisageait la postérité, quoi, de passer à la postérité, je crois qu'il s'en foutait complètement. Donc ce qu'on pouvait penser sur lui après, je pense que ça lui importait peu. Mais vu le statut qu'il avait, Johnny, il est intouchable. Personne ne trouvera à redire. La preuve, c'est pour ça qu'il a dit ça, je pense. C'est pour ça qu'il a dit Laetitia va se prendre des sauts de merde. Parce qu'il savait que ce qu'on ne peut pas lui reprocher à lui, ce que les gens n'oseraient même pas reprocher à Johnny Hallyday, ils allaient le reprocher à quelqu'un. Et qui? Ça a été l'histoire de sa vie aussi, hein. Celle qui allait rester. Ça a été l'histoire de sa vie aussi, hein. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se rebeller contre Johnny Hallyday ou ramener sa fraise. Hein. Quand il avait ouvert la bouche, il suffisait qu'il bouge les épaules et qu'il lève les yeux. Il s'attend genre, oh merde, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, il n'y en a pas un qui bronchait autour. Par contre, Laetitia, où les femmes qui l'accompagnaient essayaient de hop, il fallait y arriver, il fallait accompagner. C'est des traits d'union quand même formidables, les femmes qui l'ont accompagné dans sa vie. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que... Que Laetitia n'a pas des torts dans l'histoire. Ça ne veut pas dire du tout ça. Je crois que dans le livre, en tout cas, tout est exposé sans rien occulter, mais en évitant les sauts de merde. Ce goût des lunettes noires, oh, y a pas plus bavard qu'un regard. On vous a dit tout petit les bons points, les fautes. Moi j'ai repris la vie dans le regard des autres. Y en a des froids, des durs, ouais, qui te veulent du mal. Dès qu'ils te clouent au mur, à la Lorraine Bacchale. J'en ai vu des si clairs, si purs, si profonds, que j'ai donné misère, le bon Dieu sans confession. Y en a qui te jugent, précis sans indulgence, comme un combat de rue. Dans le froid, dans l'urgence, et tendre et discret, dans un battement de cils, qui te disent, je sais, c'est pas toujours facile. J'y vois ce que je suis, ce que je ne suis plus. C'est le livre où je lis tout ce que je n'ai jamais lu. Et si je parle peu, dans vos conversations, les femmes qui ont vécu auprès de Johnny Hallyday, moi, je vais vous dire une chose, je les admire toutes. Parce que, grand Dieu, je n'aurais pas été capable de passer plus de 4 jours avec ce type-là. Enfin, même si j'adore, hein, je trouve que c'est quelqu'un, voilà, il a été bienveillant avec moi et je n'en pense que du bien. Il m'a permis de rencontrer son public que je trouve fantastique. J'ai pu travailler en communication sur des retours d'expérience fabuleux. C'est quelqu'un qui ne m'a apporté que des bonnes choses et qui, encore aujourd'hui, a été suffisamment influent sur ce qu'il m'a, en m'apprenant des choses, beaucoup de choses, et qui me permet aujourd'hui d'être forte dans les moments où je risque de défaillir, où j'ai un doute. Je me dis, bon, qu'est-ce que, voilà, à quoi il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait pu me dire, te laisse pas faire, voilà, je pense à des choses qu'il m'a dites, et puis hop, je repars, quoi. Donc, mais par contre, je n'aurais jamais vécu avec un type pareil, quoi. Moi, je voyais, fou. Je me suis dit, comment font-elles, hein, et toutes. Et puis en plus, enfin, moi, j'étais aussi arrivée dans un moment de sa vie où il y en avait une, après il y en avait une autre. Alors il fallait se souvenir des prénoms parce que c'est que il fallait pas faire commettre d'impair pour pas blesser quelqu'un. Donc bah, voilà. Tu as connu l'entre-deux mariages. Il y a eu un premier mariage avec Adeline. Il y a eu un divorce. Mmh. Il y a eu Karine et je ne sais qui sont arrivés entre les deux. Et il y a eu le remariage avec Adeline. Voilà. C'est dire à quel point quand même ça lui trottait dans la tête, Adeline. Hein. Il ne l'avait pas oublié. C'est comme Sylvie. Hein. Sylvie, le divorce avec Sylvie. Sylvie l'a poursuivi longtemps. Toutes les femmes qui sont arrivées après, Babette, Betsy, machin, elles en ont bavé des ronds de chapeau, les pauvres, parce qu'elles sont arrivées au mauvais moment. Parce que Johnny avait toujours Sylvie dans la tête. Et il était quand même, c'était un grand amoureux. Quand il était amoureux, il m'avait parlé de Nanette. Il prenait toute sa tête. Il m'avait parlé surtout, moi, de Nanette Workman. Il me disait qu'elle était top. Ils avaient vécu une histoire. Mais pareil, il avait vécu une histoire avec cette femme, alors qu'il était avec une autre femme. Alors moi, je ne connais pas toute l'histoire. Il était avec Sylvie. Mais il était avec peut-être Sylvie, voilà. Et il part en tournée avec cette femme. Il me dit, je suis partie en tournée. Il dit, tu te rends compte, elle avait été... Alors, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais choriste des Rolling Stones, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est... Sur Honky Tonk Woman, oui. En studio, choriste de studio, oui. Et mais tu te rends compte, choriste, et puis elle a une voix incroyable, et puis c'est là du chien. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un... On s'aime autant que l'on peut s'aimer et on finit par parce qu'on détruit un peu chaque jour tout ce qui faisait notre amour. Il faut qu'un Et la Networkman, en fait, c'est la seule qui lui ressemblait. C'est ça aussi qui l'intriguait. C'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il a eu cette espèce de passion assez folle. Entre eux, folle au point où ils auraient pu y passer tous les deux. Parce que la drogue et l'alcool, peut-être, mais aussi la roulette russe, en plein de jeux complètement cons auxquels ils se prêtaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucun frein avec elle. Il était avec Sylvie à l'époque. Sylvie, il avait besoin d'elle parce qu'elle le rassurait. Elle l'arrêtait aussi dans ses délires. Avec Nanette, il n'y avait plus de frein. Et on pouvait s'accorder tous les délires possibles. Seulement, il ne fallait pas que ça dure longtemps. Et il était assez intelligent quand même pour se dire à un moment donné, stop. Il faut arrêter ça parce que ce n'est pas le genre de femme qu'il me faut, parce qu'elle va me foutre dans les décors, quoi. Et il fallait revenir à une femme plus rassurante. Mais voilà. Le problème de Johnny aussi, et ça je pense qu'on le voit dans mon bouquin, c'est le problème de Johnny, c'est aussi d'arriver à maîtriser le personnage qu'il était et à le soigner de ses démons, quoi, de son obsession depuis l'enfance, d'être abandonné, la peur de la solitude, la peur de la mort, la peur d'être abandonné. Ouais, et chaque femme de sa vie s'est battue pour le guérir de ça. Sylvie, en lui apportant une famille, dont on oublie souvent de le dire, mais un frère, Eddie Vartan, qui a été très important dans le parcours artistique de Johnny Hallyday, en lui amenant notamment des musiciens hors pair comme Mickey Jones et Tommy Brown, qui ont apporté peut-être la plus belle époque musicale, en tout cas, de Johnny. Sylvie, donc, apporte une famille qui essaie de lui donner ce qu'il n'a jamais eu, mais comme elle disait, il suffit pas de donner pour que l'autre prenne. Nathalie qui a essayé aussi de le sortir de l'alcool, de son addiction, tout à coup il avait trouvé une silhouette magnifique, une ligne, il avait rajeuni de 20 ans et voilà. Il est arrivé un moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait échoué quelque part. Adeline, qui se croyait très forte au départ, qui s'est dit « je vais le sauver, c'est moi, je vais le sortir de ses addictions, etc. » Elle pensait pouvoir le faire, c'est ce qu'elle disait. En tout cas, elle pensait avoir la force, il fallait être forte aussi et s'oublier soi pour arriver à soigner l'autre. Et elle était trop jeune et sans doute trop fragile aussi quelque part, malgré sa force. Et donc, c'est comme ça aussi que leur histoire a échoué. Et Laetitia, ça a été la dernière parce que la chose qu'on peut lui reconnaître à Laetitia, c'est d'être restée jusqu'au bout. Elle avait peut-être une vision, hein, elle savait pourquoi elle restait peut-être. Peut-être un petit peu forcée par la famille derrière qui essayait d'assurer les arrières en disant voilà. Mais en tout cas, elle est restée. Et rester, ça voulait dire s'occuper de lui. Puis elle l'aimait. Hein. Elle l'aimait, ça on ne peut pas l'enlever. Elle l'aimait, ouais. il l'aimait aussi. Donc ça, par contre, on peut penser ce qu'on veut. On peut avoir, peu importe la vie qu'on a sur cette relation et sur cette femme. En attendant, ils se sont aimés. Pourquoi et qui on serait, nous, aujourd'hui, pour défaire ça ? Donne-moi. J'ai besoin de tes mains sur moi. Et de ton souffle et de ta voix. De tes joies, de tes plaintes. De tes cris ou de tes craintes. C'est une raison pour laquelle tu l'as mise aussi en couverture, en quelque sorte. Non, je l'ai mise en couverture parce que ça paraît logique avec un sujet pareil, parce que on fait un livre sur les femmes et l'influence. L'influence, c'est par Laetitia et par cette histoire d'héritage que j'ai été amené à avoir cette idée-là et à écrire ça. Il y a plein de raisons. C'est parce que dans la vie d'un homme, je pense qu'il y a deux femmes. Il y a peut-être deux femmes importantes dans la vie d'un homme. C'est peut-être aussi valable chez les femmes. C'est le premier amour qu'on n'oublie jamais. Et c'est celle qui vous accompagne à la fin, qui vous ferme les yeux. C'est pas anodin, quoi. C'est pas rien. Et ensuite, il y a une chose aussi, quand on regarde cette photo, je trouve que cette photo, elle est très parlante. Elle dit beaucoup de choses sur la relation de Johnny avec les femmes. On voit Johnny en avant-plan, comme ça, avec un sourire et un petit truc dans l'œil très malicieux. Espiègle. Il est un peu espiègle, voilà. Et Laetitia, qui est légèrement en retrait derrière, et qui le regarde béate, avec un sourire amoureux, très admiratif, un regard de fan. C'est ça. Ouais, et je crois qu'il fallait être fan pour aimer Johnny. Femme et fan. Et en tout cas, toutes celles qui l'ont accompagné, il fallait être femme, fan, et puis aussi avoir certainement, enfin, je trouve, beaucoup de patience. Hein, ouais. De patience. Et puis, oui, de patience et d'amour. Parce que. Je crois qu'il fallait être sur un espèce de fil un petit peu compliqué, un truc très paradoxal, où il fallait à la fois savoir s'oublier parce que la vedette, c'était lui, et il fallait lui accorder toute la place, et en même temps faire preuve de force et de courage et être entreprenante et ne pas être une femme soumise tout le temps, de s'affirmer par soi-même, de ne pas être simplement Madame Hallyday. C'était compliqué de conjuguer les deux, je pense. Mais il ne fallait pas oublier, Johnny Hallyday, c'était Johnny Hallyday. Elle était souvent seule quand même, ce n'était pas évident, parce qu'un entourage d'hommes, pour l'essentiel, souvent seule face à Johnny, être seule face à Johnny, c'était drôle, c'est quelqu'un qui était tellement drôle, et qui était tellement drôle en fait, il avait tellement d'humour, et puis charmeur, mais on savait aussi que après avoir ri, il tournait les talons et puis au coin de la rue, il croisait une silhouette élancée avec un sourire radieux et tout à coup, Johnny pouvait se jeter à ses pieds quand même. Hein. Faut peut-être un peu le rappeler, quoi. Parce qu'il était capable, il avait tellement besoin d'être aimé que quand il était charmé, il pouvait quitter l'appartement et revenir quelques années après. Je n'en sais rien, mais c'est comme ça que j'imagine, moi, l'homme que j'ai croisé. Et quand je l'observais, je me disais, mais waouh, toutes ces femmes, je dois le dire, quel courage elles ont. Et d'ailleurs, je le disais à Johnny, les femmes qui t'accompagnent sont des femmes courageuses. Et pourquoi donc ? Parce que, regarde, tes yeux, ils sont partout comme ça. Ils tournent. Il était capable d'offrir des cadeaux incroyables aussi. Hein. Chaque fois qu'il rencontrait une femme, c'était une voiture. Un diamant, une bague, un collier, c'était vraiment des cadeaux. Chaque fois, il venait de rencontrer la femme et dès le lendemain ou deux jours après, il a demandé en mariage en lui offrant un tas de trucs. Mais c'est assez particulier. Mais c'est un comportement très, finalement, très enfantin. En détruisant nos haine. Il y a trop de gens autour de nous. Je voulais dire, oh, que je t'aime, mais je ne te reconnais plus du tout. Et après tant d'amour, et après tant de jours, il ne reste que des étrangers. C'était un grand enfant, Johnny. Et, mais c'était pas, en tout cas, ce n'était pas un misogyne. C'était pas quelqu'un, il avait un regard sur les femmes qui n'était pas misogyne du tout. Et je me souviens, d'ailleurs, Sandrine est là pour le confirmer. Je crois que c'est ce qu'il t'avait dit, hein, Sandrine, quand il t'avait rencontré. Il t'avait dit, tu es une femme, tu es blonde et tu es jolie, donc on va te considérer... soit comme une pute, soit comme... Ouais, c'est soit ça. Comme une conne, soit comme une conne, voilà. Soit comme une conne, soit comme une pute. Il était vraiment, vraiment pas con de... Il savait tout à fait comment le monde marchait. Et effectivement, les femmes, en général, le regard des hommes sur les femmes, c'est souvent ça. Tu es jolie, donc soit tu es conne, soit tu es une pute, soit tu es une conne. Et justement, il disait pas ça parce qu'il le pensait. Il disait ça pour donner du courage et de la force et de la volonté à Sandrine. Il lui a dit ça pour lui dire voilà, tu vas devoir te battre peut-être deux fois plus qu'une autre parce que on va te considérer comme ça. Et donc il va falloir que tu prouves aux gens que tu es tout sauf conne. Ça, il me disait, il m'a dit, tu verras dans le temps, tu vas vieillir et en plus, même en vieillissant, tu ne seras pas trop moche. Le côté charmeur. Tu verras dans 50 ans, tu ne seras encore pas trop moche. Et donc, c'était plutôt rassurant. Mais on te prendra toujours pour une conne. Alors, je dis, ok, super, ma vie va être terrible. Et donc, il vaut mieux te faire passer pour une conne que de ne rien faire passer du tout. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas compris tout de suite. Il me disait, tu verras, tu comprendras dans quelques années. C'est la blonde que je suis. A compris ça. Quelques temps après sa mort, j'ai eu une situation professionnelle. Et j'ai pensé à cette phrase. Et je me suis dit, mais il faut que tu acceptes de te faire passer pour une conne. Sinon, tu ne vas pas gagner sur ce terrain-là. Et j'ai écouté ce conseil. On m'a pris pour une conne. j'ai obtenu le contrat et j'ai pu faire ce que je voulais. Mais je continue à me faire passer pour une conne avec ce client-là. D'accord. Et ça marche, ça fonctionne. Donc c'est quelqu'un de très malin, ouais, qui savait comment le monde marchait, quoi. Mais au fond, effectivement, il m'a dit, tu verras, c'est tellement difficile d'écrire un livre, ben ça, tu en sais quelque chose, Frédéric, mais sur Johnny Hallyday, il y avait de tels enjeux financiers quand un livre sortait, qu'une fille de 25 ans, journaliste, connue par personne, qui viendrait même l'être paumée, et qui sort un bouquin sur Johnny, ça s'appelle « Il faut être soutenu par Johnny, sinon ça ne fonctionne pas ». Et moi, je ne voulais pas qu'il me soutienne, mais en même temps, il m'a toujours soutenue. Et donc, c'était pas si mal, parce que sinon, le livre n'aurait pas pu voir le jour, quoi. Et donc, voilà. Et donc, il n'était pas misogyne, tout, parce qu'il était très fier que ce soit qu'on ait fait ça ensemble, et de travailler avec une femme, c'est important pour. Mais le problème de Johnny aussi, c'était que souvent, il charmait les femmes avec lesquelles il travaillait et que ça, il fallait vraiment toujours… Enfin, c'est un être de sensualité, d'érotisme et de charme qu'il fallait garder à distance pour pouvoir, quand on travaillait avec lui, le garder longtemps. Il y a quelque chose comme ça. C'était quand même un grand charmeur. Ben, c'était quelqu'un qui était dans la séduction en permanence parce qu'il était Johnny Hallyday en permanence. Il n'arrivait pas, je pense, à quitter le costume de Johnny Hallyday. Sur scène, face au public, c'est normal, il était en représentation, c'est normal qu'il soit dans la séduction. Mais dans la vie, il n'arrivait pas à quitter ce costume-là et à être autre chose que Johnny Hallyday. Je crois que c'est Jean Renard dit quelque chose de très beau. Mm-hmm. Il dit... c'est le moment où il est mort, où il a levé les yeux au ciel... quand il est tombé, enfin, quand il était dans son bureau qui lui servait de chambre à Marne-la-Coquette, et qu'il a poussé son dernier soupir, qu'il a regardé, il a levé les yeux. Il m'a dit, c'est peut-être un quart de seconde là, peut-être qu'à ce moment-là, il est devenu Jean-Philippe Smet. Ah, c'est très beau, et c'est, ça semble si juste. Je trouve aussi, ouais. Alors c'est la fin du voyage. On coupe le son et l'image. On prenait dans un amour pas trop d'être beau. Alors vous allez me juger, me mettre en cendre et puis souffler, comprenez. Dans un mot, rien ne sert à rien. Pas facile de toute façon de devenir ce que l'on est, enfin de se connaître, et de la vie est un long parcours. Oui. Surtout quand on part de rien. Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smet n'existait pas. C'était un enfant sans père et un enfant sans mère, par la force des choses, qui s'est inventé un nom. Et ce nom, il a voulu le porter au plus haut. Et donc, quand on a cette ambition-là, il arrive un moment où on est là-haut, hein. On est déconnecté un petit peu. Et voilà. En revenir aux femmes, souvent, quand on regarde tous les grands hommes ou les grandes femmes, les gens qui font une carrière, etc., sont souvent très bien accompagnés, quelle que soit la personnalité de la femme. On peut reprocher à la femme d'être ci, à la femme d'être ça, etc. Mais, ou alors à l'homme, hein, d'être ci ou d'être ça, parce que ce sont des hommes qui accompagnent parfois des femmes, mais des gens qui font de grandes carrières ou qui laissent une trace dans l'histoire ont souvent pu s'appuyer sur des personnes qui ont laissé un peu d'elles-mêmes dans le parcours, qui ont donné d'elles-mêmes et qui se sont... des hommes que j'ai rencontrés, des femmes qui se sont peut-être pas oubliées, mais presque, quoi, pour pouvoir vivre auprès de grandes... de grandes personnalités telles que Johnny, voilà, on s'oublie aussi. Et puis, il a tellement d'influence. Quand on regarde, moi, j'ai donné des cours à la fac pendant 11 ans, maître de conf. Et bien, Johnny, il était présent sur Internet. Alors, hop, il y avait un article. Alors, on reparlait de moi. Ça boostait sa présence sur Internet. C'est-à-dire, écrire un livre sur Johnny, c'est... Après, c'est... finalement, il est toujours là. Il reste. Il est... on rencontre ses fans, on rencontre des gens intéressants. Il avait une influence tout de suite. Il vous habille, il vous imprègne et hop, il vous embarquait avec lui, que vous le vouliez ou pas. Et les femmes, comme pour rebondir sur ce que vient de dire Sandrine, c'est pas un sujet anodin, hein, c'est pas un truc people, bêtement people, comme je peux. Il y a cette appréhension chez certains fans, ils disent ah c'est encore un livre people, bof. Mais non, c'est plus que ça, c'est plus profond que ça, parce que effectivement dans la vie d'un homme il y a forcément des femmes importantes, il y a forcément des muses, des inspiratrices. Un homme, c'est quelqu'un qui fonctionne avec un cœur aussi, c'est pas un espèce de rock comme ça qui se contente de chanter face à son public. Il a besoin d'être motivé. Motivé, comment peut-on être mieux motivé que par les sentiments, que par l'amour ? Je pense que les femmes de la vie de Johnny Hallyday ont été très importantes, très importantes. Et l'amour et la présence, parce qu'au fond, il aimait ne pas, c'est compliqué à dire, parce qu'il aimait être seul, parce qu'il savait s'isoler au milieu d'un repas, par exemple, où il disparaissait. Enfin, il disparaissait. Il était là, mais il était tout à coup plus là. Il savait vraiment s'isoler du monde, hein, en étant au milieu d'une assemblée. Et puis, en même temps, il avait vraiment peur de la... Je pense, hein, c'est la solitude, mais ça, on est tous un peu comme ça. Il avait vraiment besoin de présence, la présence beaucoup et d'amour. Et ça, c'est pas évident quand on est une femme, je pense, d'avoir un homme qui demande autant de présence. Et je pense que toutes ces femmes qui l'ont accompagné ont été très généreuses pour ça aussi, parce que voilà, accompagner au quotidien un homme tel que lui, il faut vraiment beaucoup de dons de soi, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais même pas imaginer, quoi, que d'être autant présente, aussi présente, parce que c'est comme un enfant, vous savez, enfin, pas un enfant, oui. Mais c'est pas un enfant, mais quelqu'un qui veut de l'amour, qui a besoin de présence et d'amour. Je t'ai aimé, malgré ma vie faite d'absence, avec mes cris et mes silences. Oh, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. De fausses joies en vrai bonheur et de vraies larmes en coups de cœur. Oh, je t'ai aimé. Oui, je t'ai aimé. De mots d'amour en mots de haine qui voulaient tous dire je t'aime, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. De plaies ouvertes en déchirure et de guérison en blessure. Oh, je t'ai aimé. Oh, je t'ai aimé. Je t'ai aimé à t'en faire l'amour comme un dieu, à jeter mes amis au feu. Et je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Peut-être mal, peut-être trop, comme un génie, comme un idiot. Je t'ai aimé. Quelqu'un qui est aussi énorme Voilà aussi qui a je vais pas dire que c'était quelqu'un d'égocentré, Johnny, mais comme tous les artistes, si, forcément. Il avait une exigence. C'était lui, son personnage. Ouais. Pas lui, Jean-Philippe Smed, mais le personnage, celui qui va sur scène tous les soirs. Et c'était ça, sa vie. Hein. C'était sa vie, vraiment. C'était la chose qui était la plus importante. On ne pouvait pas demander, comme dit Jean-Marie Perrier, à un type comme ça, quand il sortait de scène, lui poser des questions du quotidien, qui va garder les mômes demain matin, ou qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il était hors norme, quoi. Il était pas... J'ai un souvenir à Strasbourg, des souvenirs dans d'autres villes, mais à Strasbourg, quand il est sorti de scène, il a dit « Bon, ben maintenant, je rentrerai voir les gamines. » Et c'était souvent ça. En tous les cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait quand même plus d'un tour dans son sac. Et moi, c'est cette partie de... C'est dans sa personnalité, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il était ce côté charme avec les femmes, on en a parlé. Et puis, ce côté un peu filou. Je disais, avec Robin, je disais, vous êtes des bad boys. Dans le côté mauvais garçon, ce n'est pas le côté mauvais garçon, c'est le côté au sens mauvais. C'est le côté, vous êtes des filous, quoi. Vous avez vite fait de hop, et on ne les voyait plus, il se passait quelque chose. Voilà, et c'était, pour le coup, je comprends qu'ils aient été amis jusqu'à la fin, enfin pendant 23 ans, Robin, et d'ailleurs il en souffre beaucoup aujourd'hui, de cette absence, mais comme beaucoup de gens qui aimaient Johnny, et parce que c'était un petit côté un peu rock'n'roll, filou, ils avaient vite fait de faire un tour, et puis c'est là encore, moi j'appuie vraiment sur le rôle des femmes qui accompagnent comme ça des grandes personnalités, alors Laetitia qui était sa dernière épouse, 23 années d'amour, de bonheur, 23 années de présence, moi je tire mon chapeau. Alors Sylvie Vartan, tu me disais c'était 17 ans, je tire mon chapeau aussi. Nanette, je tire mon chapeau aussi. Pourquoi ? Parce que il était marié. Donc, une relation avec un. Tu vois, l'homme, il est OK, je suis entre deux eaux, quoi. Et puis après, tu te dis, quand tu es une femme, finalement, je disais à Johnny, c'est incroyable, parce que moi, je me serais. Jamais j'aurais eu l'idée d'être avec un homme pareil. Pourquoi ? Parce que ça m'aurait fait vraiment flipper de me dire. Oh, toutes les femmes qu'il avait déjà eues. Et après, tu te dis, mais je vais vivre une histoire. Et Johnny me disait, oui, mais c'est pas important de penser comme ça, parce que l'important, c'est d'être la dernière. Je dis pas, être la dernière. Tu sais jamais vraiment si tu seras la dernière avec un lascar pareil, au fond. Parce que, tu vois, les choses peuvent changer très rapidement. Enfin, bon, je pense pas à la fin de sa vie, je pense qu'il était, il avait trouvé vraiment l'équilibre, quoi. Faut pas l'oublier, ça, c'est qu'en 2009, il a failli mourir. Et que il a considéré à ce moment-là qu'elle lui avait sauvé la vie. Et à partir du moment où il a considéré qu'elle lui avait sauvé la vie, elle pouvait lui demander ce qu'elle voulait. Elle est devenue sa dernière femme. C'est tout le cheminement d'un homme malheureux qui a réussi de temps en temps comme ça, qui était heureux seulement sur scène avec les gens et qui réussissait comme ça. À être heureux de temps en temps avec les femmes de sa vie. Et à la fin, il a pu pour la première fois être un père aimant et attentif, ce qu'il n'avait jamais pu faire avec David parce qu'il était trop jeune. Il avait 22 ans, 23 ans quand Sylvie a eu David. Il était beaucoup trop jeune, c'était un gamin lui-même. Hein. Et ensuite avec Nathalie, voilà, avec Laura. Donc... avec Jade et Joy, il a réussi ça. Parce que il était temps. Il avait fait la paix avec plein de choses et puis il était en âge de pouvoir le faire. Il a mis du temps, hein. Faire de ma vie, t'as rien compris du tout. une fille quelquefois, mais qui vient et puis qui s'en va. Mais pendant ce temps-là, je ne pense pas à toi. Ça n'était pas dans mes habitudes de supporter cette solitude, mais on se fait à tout. Il faut bien, sinon on devient fou. Je me suis éclaté, moi, à faire ce livre, à le suivre, à travers toutes ces femmes qui chacune, et comme disait Sandrine, toutes ont des fortes personnalités. Il ne choisissait pas des femmes effacées, pas du tout. Les femmes effacées, j'imagine, soumises entièrement, etc. Je pense que ça l'aurait emmerdé. Il avait vraiment envie de femmes fortes, intéressantes, intelligentes. Pour être très admiratif. Il était très admiratif de Michel Mallory, mais disait que quand il assistait à des spectacles de Sylvie Vartan avec lui, il m'a dit qu'il était vraiment admiratif de sa femme. T'as vu comme elle est belle, t'as vu comme elle danse bien, t'as vu les belles jambes qu'elle a. Enfin, c'était à la fois physique, à la fois artistique. Tout à fait. Mais il avait besoin d'admirer pour aimer. Une femme. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci Frédéric pour... Merci à toi. Merci beaucoup pour chaque fois que je te demande de venir à l'émission, tu viens, tu es là. Et c'est toujours super de t'avoir parmi nous. Et puis je remercie aussi... Alors je rappelle, Frédéric, on rappelle son livre, Je n'ai aidé, Femmes et Influence, aux éditions Mareuil. Et disponible à partir du... Demain. Et puis aussi, je remercie Sandrine Descendre d'avoir participé avec nous, qui nous a porté son beau témoignage sur Johnny Hallyday. Merci encore, Sandrine. Et qui témoigne dans mon livre. Et qui témoigne dans le livre de Frédéric, et puis qu'on retrouvera, j'en suis sûr, très prochainement dans une émission de Johnny de A à Z. Merci Eric pour cette très très belle émission. Une émission qui ne parle que de Johnny, c'est formidable. Merci beaucoup. Et ça depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Merci encore à tous. À bientôt. Un salut à tous les fans qui nous regardent. Oui. Ouais. Oh oui, vous nous manquez. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.